Chapitre 13. En ce temps-là, quelques personnes vinrent parler à Jésus des Galiléens que Pilate avait fait tuer au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. » Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Elle avait en elle un esprit mauvais qui la tenait courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il prit alors la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes! Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses liens le jour du sabbat ?» Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Jésus dit, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi puis-je le comparer ?» Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a mise en terre dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, « À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu ?» Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Jésus traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire, « Maître, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous allez lui dire, « Nous avons mangé et bu avec toi. » Tu as enseigné dans les rues de notre ville. » Il vous dira de nouveau, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. » À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit, « Allez dire à cette espèce de renard, je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'achève mon œuvre. Mais il faut que je continue ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler ta population auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. Je vous le déclare. Vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. »